T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indy sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. KLSU. Nord au sud, est en ouest, ouest. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, comment maintenant? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Planète Indie, c'est l'épisode numéro 425 aujourd'hui, rien que pour vous. Dernière émission pour cette année 2020, une année un peu particulière. Le challenge cette année-ci, c'était d'en tirer eh bien, le maximum des circonstances spéciales qui nous ont entourés. D'un point de vue personnel, moi je ne suis pas particulièrement mécontent. J'espère que eh bien, vous avez passé aussi, malgré tout, une bonne année. Et puis on se dirige vers des fêtes de fin d'année aussi un peu spéciales cette année. Voilà, que dire de plus? Eh bien... Nous sommes ensemble jusqu'à 18h30, comme chaque premier samedi du mois. On va vous faire découvrir le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative. Et on aura aussi nos rubriques habituelles. On ira voir un peu la programmation plus que limitée en cette période encore à nouveau de confinement. Au niveau de la rockale, de la culture fabrique. Voilà, période très limitée donc. Et puis, bah voilà, notre pause BD qu'on aura l'occasion d'écouter tout à l'heure aussi. Alors, je vous propose de commencer directement en musique. Je pense que notre jingle d'intro n'est pas passé. C'est pas grave. On va commencer avec Michael Tyree. Un morceau intitulé Just a Glimpse, et puis après on écoutera Mava avec Cashaholic. Bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite pour la nouvelle année, hein. La santé aussi bien entendu, et puis la prospérité. Oh, street with fake shit and the I creed. Meeting meds on San Nicolas Eve, flirting from imminent battery. Plastic cup of nauseating meat. Then she approaches, I stumble on my feet. Brain gets rid of homeless dude, I am losing grip. He's gonna swear, he's behaving rude. I am wondering, I am wondering, is she indeed mute? I wanna wear out of my sleep. I wonder, is she so damn cool? Casually, workaholic, shopaholic, bootaholic, chocoholic, alcoholic. Captain, and she said this new friend, Dick, casualics, that's what you get for growing up. Feeding teen bag girl with muffins and stuff, you wait in the room. Interstate train to light, hearted boiling the soup. Offering the groceries to gypsy over the moon. All funded by open backpack, gypsy back to blue. I won't broke any dispute on who took too many youth. Strap icon, trustful stats, stuck in a palace gun. I want to book room in a wanting blind blames at this nude. Who's ticked up in for the group, eating the same lips. She's a shame, stays in his bed. Here, everywhere. Casually, workaholic, shopaholic, foodaholic, chocoholic, alcoholic. Feel like a monster's map is frenetic, cause casualics. SOS, like a routine, as fuck with the addict on tobacco. Cross atrocious corners of the old continent. Cross loss plus lows and overdrawn contingent. Distress in the search for fabulous fortune. Mistresses moan, surging with tremendous torture. Enter the frequency or zero beat. For the life offensive, need for speed. Come for lucky Susan who decided down with all the goodies. Melancholic bodies and blue. Catatonic moves and the 32. The touch of comes and the blue. Casually, since I care what the number of the 12 I am from crossing. Voilà, si vous êtes nouveau, si c'est la première fois que vous écoutez Planet Indie, eh bien vous allez vite vous rendre compte qu'on aime sauter d'un genre à l'autre. On pourrait presque dire sauter du coq à l'âne. C'était le cas en ce début d'émission avec à l'instant Mava, un groupe ou un artiste hongrois. Et ce morceau Casholic, qui aussi est un peu entre... c'est difficile à classer. Et puis Michael Tairi avant cela. Et puis on va poursuivre avec un groupe qui s'appelle Atlas. Le morceau s'appelle Talking Down. Je vous rappelle, on est ensemble jusqu'à 18h30. Vous pouvez nous faire part bien de vos impressions, de vos commentaires sur la programmation musicale ou autre. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook. On a un petit groupe sympa où on a aussi pas mal d'artistes. Donc il y a beaucoup d'artistes que vous entendrez dans cette émission, enfin, dans ces émissions, et qui sont aussi présents dans notre groupe. Donc vous pouvez les retrouver, les contacter directement. Vous tapez simplement Planet Indie dans Facebook et puis vous rejoignez la petite bande de joyeux lurons conformes. Et puis sinon, vous pouvez aussi toujours nous joindre par le bon vieux téléphone au 26 54 00 44, 26 54 00 44. On poursuit donc avec Atlas, morceau Talking Down, et puis après ce sera Joel Siegel qui est accompagné de son pocket band qui nous emmène dans la cité de la haine. Ben, c'est pas très gay. City of Hate. Your song, your station, playing 24 hours a day, 7 days a week, on my favorite station. Next door, don't be mistaken. part of this, so much be faking. Don't know what conversation is. Get on me, that's why you shaking. If you want beef, say something. I'll keep going straight, stopping. They said I won't get any views. They said I won't be famous. They said I won't never be the news. Now, fuck you, haters. They said I won't get any views. They said I won't be famous. They said I'll never be the news. Now, fuck you, haters. They're just talking down on me. They're just talking down on me. Oh, oh, oh, oh. I don't feel afraid, low-key. I don't feel afraid, low-key. No, no, no, no. They're just talking down on me. They're just talking down on me. We're just talking about the city of hate. talking about your destiny and fate. Talking about the city of hate. We're talking about your destiny and fate. I was walking down my high school stairway when somebody shouted out the news. All of a sudden kids were screaming and crying. Innocence lost forever too soon. Innocence lost forever too soon. Black border on the headlines that day. Children clapping when they heard the news. A wanted poster on every doorstep. Psycho elements on the loose. Psycho elements on the loose. Hey, we're talking about the city of hate. Talking about your destiny and fate. Talking about the city of hate. Talking about your destiny and fate. We're just talking about the city of hate. We're talking about your destiny and fate. Talking about the city of hate. Talking about your destiny and fate. Talking about your destiny and fate. Talking about your destiny and fate. Voilà, je vous rappelle leur nom, Joel Siegel, accompagné de son groupe le Pocket Band, et il nous emmenait dans le City of Hay. 17h20, vous êtes bien sûr RGL, programme Planet Indie, nous sommes à l'épisode 425, comme chaque premier samedi du mois. Eh bien, on est là pour vous offrir le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative, et pour l'heure, eh bien, il est temps de partir à la découverte de notre album Power Play. Si vous nous écoutez pour la première fois, eh bien, c'est un album qu'on met un peu en avant avec une présentation un peu plus poussée du groupe, de l'artiste, du chanteur, enfin. Et on en écoutera trois extraits au cours de cette émission. Et puis je vais essayer de vous mettre aussi sur notre groupe Facebook dont je vous parlais précédemment une vidéo ou en tout cas une illustration sonore de cet album. Aujourd'hui, eh bien, nous allons du côté de la Suède où un pont s'est créé entre la ville et entre les villes de Göteborg et Nashville. Ce pont s'appelle Mejram. La musique roots américaine et le folk suédois fusionnent maintenant que ce groupe vient de sortir son premier album, un album sobrement appelé Mejram. C'est un beau paquet folk pop emballé avec soin. Est rempli d'histoires, habillées de cordes et d'archets, de claviers et de percussions, mais aussi riche en voix et en harmonie. Le groupe a été créé en avril 2016 à l'Académie de musique et de théâtre de Göteborg, et il se compose de quatre jeunes et talentueux musiciens que sont Jonathan Hansson, Amanda Frisk, Marcus Fenn et Gabriela Josefsson, quatre musiciens, deux langages, puisqu'ils chantent aussi bien en suédois qu'en anglais, et un grand nombre d'émotions, et une grande créativité, voilà, qui émerge de ce premier album de Mejram. Eh bien, alors, je vous propose d'écouter et de découvrir les émotions qu'ils nous font parcourir avec un premier extrait. Alors, c'est un premier extrait en suédois. Les suivants, eh bien, ce sera... on aura deux extraits en suédois et un extrait en anglais pour bien changer un petit peu. Donc, le premier, ça s'appelle Kalardu. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Je vais peut-être essayer de me renseigner pendant le morceau, essayer de vous trouver l'info. C'est Kalardu, c'est notre power play aujourd'hui dans Planet Indie, puisque c'est le groupe Mejram. Power play. Power play. Kalardu, Kalardu. Il s'agit du groupe suédois folk pop Mejram avec leur album Mejram. Premier extrait, c'est Kalardu, du, parce qu'on ne dit pas du, apparemment on dit de, c'est entre le E et le U, et ça veut dire, d'après Google Translate, tu appelles. Voilà, comme ça vous savez tout. On poursuit en musique avec de nouveautés, des gens qu'on n'a encore jamais entendus dans Planet Indie. Deux voix féminines, assez différentes l'une de l'autre. La première, c'est Ray McKenna avec Take Me Home. Et la suivante, il s'agit d'une artiste urbaine bruxelloise qui fait du rap. Elle s'appelle Slow Danger. Et elle nous interprétera Mon Équipe. You're the kind of guy who needs my loving. I want you from the evening till next morning. Hide under the car to build intention. My knees are weak, I need My name is Vivi from Mental Monkey Ballet, and you're listening to Planet Indie. Hi, my name is Mark Lassiter, and you're listening to Planet Indie. Hi, my name is Audra. And I'm Pat. We're Chaser 8, and you're listening to Planet Indie. Vous êtes mon équipe, vous êtes mon équipe. Mon équipe adorée, je suis si désolé. Je veux vous honorer, mais ils veulent me conditionner. Ils voudraient m'isoler, venez pour me sauver. Mon équipe, mon équipe. Mon équipe adorée, je suis si désolé. Je veux vous honorer, mais ils veulent me conditionner. Ils voudraient m'isoler, venez pour me sauver. Je t'assure, je tue pour mes sœurs. Ils sont étonnés que je riposte. À coups de poing et ça pour mes rebuts. Nous c'est mon gang, on pousse sous les magots. La gueule nous guette, mais on aime le ghetto. La rue c'est dur, il faut se lever tôt. On a ramé pour remplir le frigo. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est bruxelloise, elle s'appelle Slow Danger et nous interprétait Mon équipe. Je vous parlais de la programmation eh bien, plus que réduite dans les salles de concert pour cause eh bien, d'événements que vous connaissez. On peut peut-être faire en vitesse le tour. Si vous aviez compté aller voir Tiziano Ferro, eh bien, c'était prévu aujourd'hui à la Rocale. Eh bien, le spectacle n'est même pas reporté, il est carrément annulé. Donc n'hésitez pas à vous faire rembourser vos tickets. Le concert d'Alban Ivanov de demain, pareil, non c'est pas pareil, lui il est postposé à probablement l'année prochaine, voire plus tard. L'atelier d'entraînement vocal qui était prévu, organisé par la Rocale et le INECC à Luxembourg, pareil, postposé, tout comme les Rock Lab Pop-Up Sessions, Dub Inc. Reporté, Benjamin Biolay reporté, Loïc Notaire reporté, et le Casse-Noisette qui était prévu le 9 janvier, eh bien, il est reporté aussi. Le premier spectacle prévu pour la Rocale, c'est la bonne soirée de Kian Kojandi. C'est prévu le 13 janvier, mais évidemment sous réserve des conditions ou d'amélioration des conditions. Donc allez voir sur le site de la Rocale quand on se rapprochera du moment fatidique. Au niveau de la Culture Fabrique, c'est aussi très très réduit puisque Le concert de Isaac était prévu vendredi prochain, le 11 décembre, et eh bien il est reporté. Sont prévus encore à la date d'aujourd'hui et d'ici la fin de l'année, et eh bien le air check de Heavy Petrol, c'est prévu samedi prochain à 17h. Et le mardi 15 décembre à 19h30, le World in Progress pour After Whip. Voilà, comme je vous disais, c'est assez réduit. On ira voir tout à l'heure, eh bien, la programmation de la, j'allais dire de la Culture Fabrique, non, de l'Abbaye de Neumünster. Comme ça, on aura fait le tour. Avant de retourner sur notre album Powerplay, je vous rappelle l'album du groupe suédois Mejram. Eh bien, je vous propose d'écouter en musique White All Red avec Wake Up. Bah oui, si vous vous endormez tout doucement, eh bien, ça va peut-être vous réveiller un petit peu. Et puis il y a un autre morceau qui c'était pas prévu quand il a, enfin je pense pas, quand il a enregistré son album, puisque l'album date déjà de 2019, on l'avait découvert aussi en Powerplay précédemment, Robert Buczynski avec son album The Breakdown Lane. Et je pouvais pas m'empêcher de passer la plage numéro 8, Big Mess in the White House. En gros, si je peux dire un gros mot sur antenne, c'est un gros bordel à la Maison Blanche. C'est un peu ça que ça veut dire. Est-ce qu'il avait tout prévu ? Qui sait ? Qui sait, Robert Buczynski ? Allez, on écoute tout de suite, avant cela, White All Red avec Wake Up. Wake up, whose life is this? Get dressed in black. Life of the party, you could keep everybody guessing who you'll be going home with tonight. Slip off through the back door, tell a little white lie or two. Down to the wire, grind your teeth in your sleep, waiting for something inside you to break. Do you ever feel yourself falling when you're shapes lose their meaning? Wake up, whose bed is this? Get dressed in black. You live your life like a bird on wire. Keep your composure when you wanna scream. Don't you wish it was just a dream? Slip off to the back room, sniff a little white line or two. Hi, this is Robert Buczynski. You're listening to my new album, The Breakdown Lane, right here on Planet Indie. Racing toward extinction, facing annihilation. Racing toward oblivion, facing total destruction. Disintegrating relations, manipulating information. Betraying our beloved nation, jeopardizing the population. Think, wake, at fast, speak loud, what to do now? We're stuck with this big mess in the White House. Better run, it's ticking like a time bomb. We're stuck with this big mess in the White House. Administration dissolving, top officials resigning, anarchy evolving, utter lack of problem solving, eroding diplomacy, imploding domestically, isolating globally, alienating atrociously. Think quick, act fast, speak loud, what to do now? We're stuck with this big mess in the White House. Better run, it's ticking like a time bomb. We're stuck with this big mess in the White House. Chasing the apocalypse, gambling with the consequence, reeking of incompetence, ever focusing on opulence, intolerance, and dominance, opulence, intolerance, and dominance, opulence, intolerance, and dominance. Think quick, act fast, speak loud, what to do now? We're stuck with this big mess in the White House. Better run, it's ticking like a time bomb. We're stuck with this big mess in the White House. Big Mess in the White House, je ne vais pas retraduire une seconde fois le titre de ce morceau. C'est donc cet extrait de cet album de Breakdown Lane par notre ami et fidèle auditeur, puisque je sais qu'il nous écoute assez régulièrement. Je ne pense pas qu'il soit là aujourd'hui, mais je sais que régulièrement, eh bien, il est à l'écoute de ce programme. Robert Buczynski, qui est basé en Nouvelle-Angleterre, du côté de Boston. On le salue, hello Robert, if you're listening, probably later, peut-être qu'il écoutera le podcast, puisque vous retrouverez le podcast de cette émission dès ce soir normalement sur notre site internet. Je vous rappelle l'adresse, enfin je vous rappelle, je ne l'ai pas encore dite aujourd'hui, www.ilovemusic.ga, www.ilovemusic.ga, et puis j'ai mis aussi un lien direct vers... la page où vous pouvez nous écouter en direct, si je ne m'abuse, il faut que je retrouve, parce que j'ai fait ça assez récemment. Je me suis dit, je vais améliorer un peu le truc plutôt que de mettre une adresse un peu compliquée. J'ai créé un lien direct, enfin une adresse email, 3xwliveradio.ga. Essayez ça et puis n'hésitez pas à me dire si ça fonctionne. Rejoignez-nous sur Facebook et puis vous nous laissez un message. Voilà, vous pouvez nous écouter donc via internet, aussi via le site de RGL, www.rgl.lu, et puis vous pouvez encore nous écouter en DAB+. On est en phase de test, si je ne m'abuse, où les phases de test sont terminées, je ne sais plus, mais je pense qu'on peut nous écouter en DAB+, sur les ondes hertziennes évidemment, et puis sur le canal, le câble télédistribution au Luxembourg et en Belgique, que ce soit Proximus ou vous. Voilà, j'ai tout dit. 17h46, nous retournons sur notre album Powerplay, l'album du groupe suédois Mejram, un album donc intitulé Mejram aussi, qui eh bien, a pris un certain temps, beaucoup d'heures passées dans des pièces assez instables avec des vieux rideaux jaunes et une ventilation assez catastrophique pour eh bien, au final aboutir à la création et l'enregistrement de 10 chansons qui ont ensuite été enregistrées au studio Epidemine par Henrik Cederblom. L'orchestration est assez large et consiste en plusieurs, voire beaucoup, d'instruments à cordes et à vent, plus aussi du piano qui est en fait un instrument à cordes aussi, une batterie, des percussions et, last but not least, des harmonies chantantes assez belles, vous avez déjà pu vous en rendre compte. Cet album est rempli d'histoires personnelles qui font référence à des sentiments comme la colère, la joie, la tristesse, l'espoir et puis le soulagement. Mejram eh bien, nous emmène, en tout cas emmène ses auditeurs, ses écouteurs, son public à travers les hauts et les bas de la vie et puis il nous invite à assister à ces hauts et ces bas confortablement installé dans un rocking chair, on pourrait dire, et à écouter et à profiter de ces 41 minutes de pur bonheur musical. Je vous avais dit tout à l'heure qu'on écouterait deux morceaux en suédois, et un en anglais. Eh bien, on va écouter le morceau en anglais maintenant. Ça s'appelle The Turn. Je vous rappelle le nom du groupe, c'est Mejram, et c'est notre power play aujourd'hui dans Planet Indie. Power play. Power play. You stumble, you shut me out, and the water that you drink is past every mouth, and every pair of lips has spoken every word that you're letting out. What's good is your honesty. What's honest is embracing and not to flee. What's comforting is that we barely furnished our house and barely moved in. Oh, and don't come even closer. Come crawling, don't you even bother explaining why the air turned colder. What's gone is a thrilling tone. What's thrilling is the way it hurts to the bone. What's broken is a stairway to the world of our own. Now cold from within, the ocean still sounds the same, and the sand beneath my feet still feels the same. I can always lean, rely on the things that's the same and always will be. Oh, and don't come even closer. Come crawling, don't you even bother explaining why the air turned colder. Even closer, come crawling, don't even bother explaining. Don't go near the border, stay put, 'cause I'm already halfway over, and soon I won't remember. This piece of work will soon be over. C'est des morceaux assez courts, hein. On n'a pas le temps de souffler entre, ça s'appelait The Turn par le groupe suédois originaire de Göteborg, Mejram. Je vous avais parlé tout à l'heure de la programmation de l'abbaye de Neumünster. C'est une programmation essentiellement en diffusion via internet apparemment. Demain à 11h, le fameux concert jazz du dimanche, de l'apéro du dimanche. Demain, eh bien, ce sera le concert aérial par Alexandra Lemmler et Frank Tortilleur. Le 11 décembre à 20h, ce sera de nouveau une diffusion internet du concert du Victor Krause Group. Ce sera le concert Canto Ostinato et ils sont accompagnés pour l'occasion de Emre Sevindik. C'est pas toujours facile à prononcer tous ces noms. 13 décembre, concert de nouveau de Apéro Jazz. Le groupe, le chanteur plutôt hollandais de jazz, Edith Van Heuvel, accompagné de son orchestre. Donc le Edith Van Heuvel Quintet qui interprétera le concert de Magenta Hill. 20 décembre à 11h, dimanche suivant. Bruno Lapin, accompagné de Joe avec son Preview Reset 2021, et puis après, eh bien, ça nous amènera en janvier 2021, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler puisque notre prochaine émission en direct, ce sera le samedi 4 janvier pour aborder une nouvelle année qu'on espère, eh bien, fantastique. On l'espère fantastique. On vient d'écouter Mejram qui était notre power play. On va retourner sur un ancien power play. C'était Nico Chona et The Fresh Tones. Rappelez-vous, c'était il y a quelques mois, on les découvrait. C'est un groupe de blues rock français, si je me souviens bien. Ils sont originaires de la région de Lyon. Et on les écoute cette fois-ci avec un morceau qui s'intitule The Heat, la chaleur. Bah, on la cherche en ce moment, on la cherche. Yeah. the night. Make me feel some blue inside of me. s'appelle Brian Tyrell Hughes, vous l'avez peut-être entendu. Son nom d'artiste est Aetopus. Et ça, c'est un extrait de son tout nouvel album, un album intitulé Variant. On écoutait le morceau Altum, enfin je dis on l'écoute encore parce qu'il est très long, il fait pratiquement 14 minutes, 13 minutes 55 pour être exact. Et puis il a sorti à côté une version hippie avec trois morceaux qui s'appellent Deep Variant. Ce sont des versions revisitées de sa, des morceaux, de trois morceaux contenus sur cet album qu'il a eu la gentillesse eh bien, de nous envoyer. On en a écouté un extrait précédemment si vous étiez avec nous. Le mois dernier, on va profiter eh bien, de la fin de ce morceau pour passer à notre capsule BD comme nous le faisons tous les mois. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter le volume 1 d'une série qui s'appelle La Pierre du Chaos. Ce volume 1 s'intitule Le Sang des Ruines. Le résumé est le suivant. Afin de calmer la colère de son peuple, l'empereur de la puissante Némès décide de réinstaurer le service militaire obligatoire pour tous, y compris pour les nobles qui en étaient jusque-là dispensés. C'est ainsi que se retrouvent enrôlés pour 3 ans Navel, jeune marié et futur papa, et Araès, qui rêve au contraire de se couvrir de gloire sur les champs de bataille. Par chance pour le premier et aux grandes dames du second, ils sont envoyés dans l'endroit le plus sûr et paisible de l'Empire, la frontière nord. Au cours d'une patrouille en forêt, ils pénètrent dans une cité abandonnée et découvrent dans un palais une pierre géante qui, à leur approche, se met à rougeoyer et à rayonner de toutes parts. Malgré l'interdiction de son chef, Araès touche l'artefact. Il s'en sort groggy, mais heureusement sans mal apparent. Pendant ce temps, dans le royaume de Volcan, où, comme c'est la tradition, Anrog, le chef de guerre violent et sanguinaire, a remis en jeu et conservé son titre, les hordes barbares répondent à la prophétie de l'oracle, embarquent sur leur navire et fondent sur l'empire de Némès, semant le feu et le sang sur leur passage. Précisément là où sont casernés Araès et Navel. C'est alors que Drana, l'épouse de Navel, ignorant les derniers développements, décide de rejoindre celui-ci afin que leur enfant grandisse entouré de l'amour de ses deux parents. Après tout, la région d'Enoch n'est-elle pas réputée la plus tranquille ? L'univers qui prend place dans ce premier volume est riche, nul besoin d'être féru d'histoire pour y découvrir de nombreuses influences, avec d'un côté Némès qui emprunte à la Rome antique aussi bien l'organisation de son état que ses conquêtes au loin, dans des contrées moins développées, ou encore l'habillement de ses citoyens, qu'ils soient empereurs, notables ou soldats. De l'autre côté, on ne manquera pas de reconnaître chez les Volcaniens des traits communément associés aux Vikings. Drakkar, casque avec des cornes énormes, une soif inétanchable de sang et de violence. Même s'il ne faut prendre ces références que pour ce qu'elles sont, à savoir non des illustrations mais des influences, il est utile de préciser que Romains et Vikings n'ont jamais été confrontés directement les uns aux autres, les seconds n'arrivant chez nous que plusieurs siècles après la dislocation de l'Empire d'Occident. La trame narrative est classique, une confrontation entre le bien et le mal avec de jeunes héros qui se trouvent embarqués à leur corps défendant dans des événements qui les dépassent. Le dessin est à la hauteur, même s'il n'est pas toujours aisé de distinguer clairement les différents protagonistes, surtout parmi les légionnaires némésiens en uniforme et casqués. Les premiers plans sont la plupart du temps bien soignés, les seconds inégaux. Les bâtiments, par exemple, sont travaillés et réussis, mais les paysages naturels peuvent manquer de finition. Les belles couleurs et le découpage très dynamique des cases contribuent à rehausser les ambiances. En conclusion, eh bien, c'est un album dense, puisqu'à côté de l'opposition de base entre les bons et les méchants, les auteurs ont inséré des intrigues et conflits dans chaque camp et laissé une place à la romance. On se rend bien compte qu'il y aura de l'action dans les deux volumes encore à paraître et que certains personnages relégués pour le moment au second rang vont entrer en pleine lumière, comme la jeune Enaria, toute nouvelle sorcière vulcanienne que l'on aperçoit à peine mais dont on s'attend à ce qu'elle joue un grand rôle par la suite. Suite que l'on attend impatiemment. Je vous rappelle le nom de cet album, de ce BD, La Pierre du Chaos, le volume 1, Le Sang des Ruines. C'est sorti chez Draco et les auteurs sont Katz et Kreti. Vous retrouverez la conclusion sur notre page Facebook et puis toute la fiche de lecture sur notre site internet. On va poursuivre en musique avec un nouveau morceau de ACG, un artiste autrichien. Ça s'appelle Orion Descending, et ensuite on écoutera l'artiste folk country américaine Catherine Britt, I Am a Country Song. Young love with the wrong man. Second like it was passion with a heavy hand. Third time ended with a loaded gun and the bottle won. And I know one hate would understand, and I know George Jones would be my. Country song. Voilà, elle s'appelle Catherine Britt, elle n'est pas chanteuse, elle a une chanson de country, I am a country song. 18h16, on a encore 14 minutes à passer ensemble, et donc il nous faut retourner une troisième et dernière fois. Je dis il faut, ça a l'air d'être une contrainte, mais c'est plutôt un plaisir, il nous faut retourner une dernière fois sur l'album Mejram du groupe Mejram, un groupe suédois, un quatuor suédois donc, fondé en avril 2016 à Göteborg, et qui se compose d'Amanda Frisk, Jonathan Hansson, Gabriela Josefsson et Marcus Fenn. J'ai mis sur le groupe Facebook la vidéo du morceau Erase You. On ne l'écoutera pas aujourd'hui, malheureusement. On ne peut pas écouter tout l'album en entier. Trois morceaux, c'est déjà pas mal. Je vous ai donc mis la vidéo de ce morceau. On va en écouter un troisième et dernier extrait pour aujourd'hui. Ça s'appelle C'est Mig. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Si vous parlez suédois, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Sinon, eh bien, on ira voir sur Internet, puisqu'on peut tout trouver maintenant sur Internet, ce que ça signifie. Leur site officiel, c'est Mejram officiel ou Mejram musique officiel.com, et puis ils sont sortis sur le label Cacaphone Records, www.cacaphone.com pour les infos. Difficile de vous en dire plus, il y a peu d'informations qui circulent, peu d'interviews, donc j'ai pas eu l'occasion de trouver beaucoup d'informations à leur sujet. Ben, puisque c'est comme ça, eh bien, je vous propose de laisser la musique parler et d'écouter ce troisième extrait, C'est Mig, par le groupe Mejram en Powerplay ce soir dans Planète Indie, émission numéro 425. Powerplay. Powerplay. Smakar söt så finns där något salt och något surt och dött i mitten. Jag vankar av och an, är han granens kvar när snön brer ut sig över marken. Innan du lägger skuld på mig och glider ifrån mig. Innan du suddar ut mig vill jag att du ser mig. Bred och lika hög och lika djup som ett helt varv runt jorden. När jag försöker kliva över så får han något fegt och något kyligt i blicken. Skuld på mig och glider ifrån mig. Och innan du suddar ut mig vill jag att du ser mig. Mejram avec Semi, enfin eux ils prononcent Simi, ouais, effectivement, Simi, ça se rapproche très fort de l'anglais Simi, qui voudrait dire vois-moi. Apparemment, Semi, ça veut dire regarde-moi, donc on en est vraiment pas loin. On va encore écouter Peter Galloway et son Real Band avec Late to the Story, et on aura probablement encore le temps d'écouter un autre petit morceau avec une autre nouveauté par le groupe de Search. Avant cela, je voudrais encore vous signaler que La Rocale lance le Quest Freestyle Challenge pour encourager la créativité des jeunes. Il s'agit d'un défi musical de style hip-hop à destination des 12-25 ans diffusé via les réseaux sociaux. Ça se passe du 1er décembre au 15 janvier. Les participants sont invités à créer et partager un cours freestyle de rap en vidéo entre 30 et 60 secondes sur un instrumental de hip-hop produit par les Luxembourgeois de Majestic Records. Les meilleurs freestyles déterminés par les votes du public sur les réseaux sociaux après sélection par un jury gagneront l'enregistrement filmé d'un morceau en studio et la publication du vidéoclip sur YouTube et les réseaux sociaux, ainsi que des prix alléchants, des places de concert à la Rocale, des bons d'achat et des adhésions au Rock Lab. Attention, ce concours s'adresse uniquement aux Luxembourgeois et résidents âgés de 12 à 25 ans. Pour plus d'infos, eh bien, vous allez sur le site de la Rocale. Voilà, on termine notre programmation musicale en roue libre avec Peter Galloway et le Real Band, Late to the Story. Why am I always the last to know? Stumbling on things after everyone else. Wishing I knew what everyone knew. Girls knew the secrets before I ever did. Girls do, girls always do. Girls know the secrets, girls know the truth. Boys act like fools, boys are cruel. Now this boy just can't do without you. Late to the party, I'm always late. Last one to get here, last one to leave. If slow and steady wins the race, maybe late to the party is a state of grace. God, I love those gospel songs. Make me cry since I don't know when. She loves that uptempo funk. I must admit I like it too. Girls do, girls always do. Girls know the secrets, girls know the truth. Boys are innocents, but boys are cruel. And this boy just can't do without you. Late to the party, I'm always late. Last one to get here, last one to leave. If slow and steady wins the race, maybe late to the party is a state of grace. Late adds to mystery a sexy allure. But you tap on your watch and say, boy, don't be rude. You're so on the money, steady and sure. I came late to the party, now I'm yours. Girls do, girls always do. Girls know the secrets, girls know the truth. Boys act like fools, boys are cruel. Now this boy just can't do without. Voilà, et bien on arrive tout doucement à la fin de la programmation de ce soir. On va encore écouter le groupe suédois The Search avec Don't Let Yourself Down. Dernier morceau programmé pour cette année 2020, année un peu particulière. Vous allez retrouver le podcast de cette émission sur notre site internet. Cette émission sera rediffusée demain entre 17h et 18h30 sur cette même fréquence. Et puis, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, une excellente année 2021, mais ça on en reparlera le 4 janvier au cours de notre prochaine émission. D'ici là, passez une bonne fin de soirée, portez-vous bien. Prochaine émission en français sur cette fréquence, à part la rediffusion de demain, eh bien ce sera samedi prochain. Aux mêmes heures. Voilà, on se quitte avec ce morceau très années 80 et on clôture l'année 2020 avec The Search, Don't Let Yourself Down. For a standing transfixed in the living room, white buildings crumble outside in the wake of your doom. Must have lost your mind, no one else seems to hear, seems to register. you on. Mid-sized city with mid-sized concerns. Where does one draw the line of compromise? By now you should have heard, must have left at least half of yourself within. But you'll find it someday, that part of you stolen away. So don't let yourself down. No, don't give yourself up for anyone. Oh, bend over backwards. Yes, anyone. For the sake of love. Couldn't see who I was to myself anymore. Tried to accommodate the whims of someone. I realized I didn't know, and they say you did what you thought was right. That you'll find someone who'll let you be who you are. And don't let yourself down. No, don't beat yourself up over anyone. Oh, speak up with a firm voice. Yes, anyone. And take control.